été vraiment très con de ne pas l'avoir, donc vous pouvez le foutre sur un Raspberry Pi. Si vous voulez avoir un cluster Kubernetes facile, utilisez K3DS, quoi. Vraiment, vous faites pas chier à installer un cube entier. Alors, entre Minikube, si je suis développeur, Minikube ou K3DS Minikube, non, ouais. Ça dépend sur quelle plateforme c'est. Si je mettais sur Ubuntu, utilise Micro K8S. Yet another. Yet another. Voilà, Micro K8S, si jamais vous n'avez pas regardé. Si jamais vous êtes sur Ubuntu et que vous voulez travailler avec du Kubernetes, Micro K8S. Voilà, je dis ça comme ça. Mais voilà, si c'est sur Mac, tu fais Docker. Enfin, il présente la facture à la fin du podcast, mais voilà, il vous dit ça comme ça. Si jamais tu es sur Mac, tu utilises Docker for Mac avec en activant le mode Kubernetes, et si jamais tu es sur Windows, tu mets Docker for Windows en activant le mode Kubernetes. Mm. Donc en fait, je pense que voilà, on a trois plateformes, et sur les trois plateformes, on a trois solutions assez simples à utiliser. Je pense que c'est un peu ça. Mais non, K3DS, c'est vraiment... en plus, il n'y a pas toutes les fonctionnalités, il n'y a pas tout ce qui est activé. Vous n'aurez pas exactement le même comportement, c'est-à-dire qu'il n'a pas le même nom. On peut pas dire qu'un manifeste pour Kubernetes va marcher sur K3DS. C'est à essayer, d'accord, c'est à tester. Et une fois que c'est validé, par contre, ça marchera sur toutes les instances de K3DS. Mais c'est pas exactement un Kubernetes. Faut pas le voir comme ça. Il y a des features en moins, okay, il y a des choses en moins. Mais par contre, une fois que ça marche, vous avez vraiment quelque chose que vous pouvez déployer n'importe où. D'ailleurs, on a quelqu'un sur le chat qui nous dit qu'il l'a installé cet après-midi. Et oui, ça gère, c'est beaucoup plus léger, et ça gère, et le load balancer est supporté par défaut. Et ben voilà, hein, vous voyez, vous avez la même fonctionnalité load balancer activée dans K3DS. D'accord. Essayez-le, on n'est pas spécialisé là-dedans, sachant que c'est encore en version bien alpha, puisqu'on est en 0.2.0, un truc comme ça. C'est tout jeune, oui. On aime bien les trucs bien pas secs. Mais c'est ça que si on l'utilise, voilà, utilisez-le, trouvez les bugs et vous. C'est ça, de toute façon. C'est toi qui sèche. C'est ça, c'est toi qui sèche. Et soit dit en passant, il est Kubernetes Certified. Oui, c'est ça, exactement. Donc non, en fait, j'ai dit de la merde. Si jamais vous avez des deployments ou des choses comme ça qui marchaient sur une Kubernetes, ça devrait marcher dessus. Alors, sachant que historiquement, K3S, en fait, le gars... Il a quoi le 3, d'ailleurs? C'est 5 fois plus petit. C'est 8-5, je sais pas. La moitié d'un 8. Il y a un truc avec le chiffre 5, je crois. C'est sûr, c'est pas justement le 8. 3 fois plus petit. Si jamais tu le coupes au milieu, ça fait un 3. Peut-être, ouais. Pourquoi c'est à moitié plus petit. voilà. Si vous trouvez, vous avez le droit à une chips. Ou un sticker rancher, parce qu'on a des stickers rancher. C'est vrai, en exclusivité. Un sticker. Ah, waouh. On a des stickers rancher. Putain, il nous a caché ça jusqu'ici. Voilà, il voulait les garder pour lui. Juste un. Oh, ah, si, c'est ça, hein. C'est 5 less than 8. 5 less, tiens, brah, je veux mon sticker, ça rentre cher. j'ai vu, oui. Est-ce que tu peux rappeler juste en quoi c'est mieux dédié à l'IoT et comment tu pourrais, parce que je sais que tu as un peu bossé là-dessus, comment tu le mettrais à jour dans un environnement IoT? Genre, tu as une flotte de petits machins IoT que tu as déployés, qui ça tourne sur, tu as déployé tes petits K3S dedans. Comment tu fais ta putain de mise à jour? Ah, ok, donc ils ont accès au réseau. Ok, très bien. Sinon, comment ils accèdent au serveur? C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, mais... on parle de l'IoT connecté, sinon ça serait un peu compliqué si jamais c'était pas de l'IoT connecté. Non, mais ok. Oui, ça reste un truc distribué. Hein, oui, ouais, c'est connecté, serveur, c'est connecté, pardon. C'est pas connecté par l'esprit des ondes. Après, à voir, est-ce que vraiment tu peux utiliser, par exemple, un service comme Sigfox ou un truc comme ça, un truc qui te fait du 1 kilobit Des microsats, voilà, CubeSat et compagnie. Personnellement, je ne pense pas que j'utiliserais pour ça. Il faut regarder le monitoring entre le K3S. Qu'il puisse s'activer d'une manière déclenchée par un système radio. Voilà, compliqué. Je dirais pas jusque-là. Je pense que quand même, on est dans de l'IoT avec un bon gros... connexion persistante. Oui, et puis surtout un processeur ARM ou un truc comme ça. On n'est pas sur des trucs MIPS tout petits, etc. Enfin, mais ça utilise Flanel et ContainerD. Des réseaux de capteurs tout. Ouais. Donc regardez ça, on voulait un peu vous en parler pour que vous regardiez. Je vois un truc très kikoulol, mais je n'arrive pas à savoir ce que c'est pour l'instant. Automatic Manifest. Je pense que c'est bien. Il te reste quelques minutes pour. K3S.io. Ils ont